Tu m'as dessus chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza mon amour. Ebenga mami, ebenga ye, ebenga na motema e adie, na longoli pe motema, tokande osala kanga iboye, ngana ke mosala yona bare, ya kangi yona mobali na bare, ozali komela. Baloba kananga inandi makate Yabelanga inini elingi mama Soki mpe mosolo Obangate Tu m'as déçu chouchou Je suis resté ignoble Vraiment je suis touché par tout mon cœur A la Binyaza mon amour Mosala yona bare Nakangi yona mobali na bare Ozali komela Baloba kananga inandi makata Lobela nga inindi yolingi mama Soki pe mosolo Obangate Tu m'as dansi chouchou Je suis resté ignoble Vraiment je suis touché par tout mon cœur A la Binyaza mon amour Namoni oh oh Namona ki oh eh Nyonso baloba kananga nandimi Nandimi asala na mikosaka Namokili oyo Confiance ezalite Nakokanga motema poto poti na yo bana Mami Ah nesi na yebi Na yeba kate Neyo zala kaboye mami Nandimi ya sala na mikosaka Na mokili yoyo Confiance ezalite Mote mapoto poti na yobana Mami Namoni yo oh Namona kiyo eh Nyoso yolo baka nanga ya lukuta Nandimi ya sala na mikosaka Namokili yoyo Confiance ezalite Nakokanga motema poto poti na yobana Mami Thank you. mi nandi mi asala na mi kosaka na mokili yoyo confiance ezalite na kopanga motema pota poti na yo bana mami mi ma desi chouchou je suis resté ignoble.